Métier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Sixième épisode. Fables politiques et chimériques où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Vera et deux hommes du député Gennady Ilitch viennent chez Irina pour forcer la jeune femme à donner son lait. À leur deuxième visite, Yegor envoie leur voiture dans le décor. Semyon décide d'aller voir un psychiatre. Mais il n'y a pas de remède contre le somnambulisme. Daria a embaumé et installé son défunt mari dans sa chambre. Mais elle constate à son réveil d'étranges traces de pas et de boue sur la moquette. Véronica se met à lire le carnet du défunt pharmacien et découvre qu'il a fait des expériences avec un médicament appelé l'antifrousse. Et des miliciens recherchent Dima pour récupérer ces fameuses ampoules coûte que coûte. Ainsi, les histoires continuent. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. La douleur dans ses seins trop pleins réveilla Irina bien avant l'aube. Au réveil, 4h20. Que pouvait-elle faire de tant de lait ? Si au moins Yasia l'avait bu, tout aurait été pour le mieux. Mais l'enfant prenait le mamelon dans sa bouche, aspirait quelques gorgées, puis repoussait le téton de sa langue. Et pleurait, jusqu'à ce qu'on lui donnât un biberon de lait en poudre. Irina alluma la lumière. Elle mit de l'eau à bouillir, posa un bocal d'un litre sur ses genoux, dégagea sa poitrine et entreprit de tirer son lait. Une vingtaine de minutes plus tard, elle se sentait mieux. Ses seins, soulagés, n'était plus douloureux. Maman, tu pourrais demander aux voisins s'ils ne connaissent pas quelqu'un dans le village qui aurait besoin de lait maternel. Ça peut être contre de l'argent ou contre autre chose. Ce serait dommage quand même de le laisser perdre. Je poserais la question. Tu ferais bien d'aller au conseil du village, au cas où il y aurait des aides pour les filles mères. Peut-être qu'ils nous donneraient des sous. Je ne suis pas une fille mère. Irina, son manteau sur les épaules, sortit devant la maison. Elle se rappela la honte qu'elle ressentait encore il n'y avait pas si longtemps, quand, enceinte, elle n'osait pas sortir dans la rue. Puis elle leva les yeux vers les étoiles. Des étoiles dans le ciel, il en était des myriades, qui scintillaient d'un éclat froid et bleuté. Mais l'air n'était pas glacé. Ou bien était-ce elle qui n'en sentait plus la morsure ? Kiev. Rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Semyon était tourmenté par l'insomnie. Le vacarme dans sa tête tantôt s'apaisait, tantôt s'amplifiait de nouveau. Sa cuisse récemment meurtrie recommençait à le faire souffrir. L'image d'Alissa surgissait brutalement. Il repensa au docteur Naïtov, le psychiatre qu'il avait consulté quelques jours plus tôt. Celui-ci lui avait dit que le somnambulisme ne se soignait pas. Mais somnambulisme et insomnie, ce n'est pas la même chose. L'insomnie le laissait brisé, moulu, à l'intérieur comme à l'extérieur, alors que le somnambulisme ne l'affectait en rien. Le matin, il sortit et se rendit jusqu'au passage Bekhterevski chez le psychiatre. Bien. Racontez-moi. Mais racontez quoi ? Ce que vous vouliez me raconter en venant ici. Oui. Je voulais vous demander... vous vous rappelez de ce que je vous ai dit à propos de cette femme qu'il m'arrive de rencontrer quelquefois la nuit ? Oui. Eh bien, je pense constamment à elle. J'ai envie de la voir, j'ai envie de la rencontrer. Vous savez où elle habite ? Oui. Mais vous avez dit qu'il vaudrait mieux pas que je la rencontre de jour. C'est exact. Et votre femme ? Elle s'est aperçue de quelque chose, elle m'a fait des scènes. Mais bon, maintenant, ça va bien entre nous. Tant mieux. Dans votre vie diurne, vous avez une femme, dans votre vie nocturne, vous en avez une autre. Je vous conseillerais de vous en tenir strictement à ces périodes de la journée. Vous n'avez pas besoin de voir durant le jour votre femme de la nuit. J'ai encore une question. Est-ce qu'il est possible de déterminer depuis combien de temps je fréquente cette femme ? Les somnambules ne tiennent pas de journal intime. Vous pouvez la connaître depuis un an comme depuis un mois. Ça veut dire que je suis incapable de me contrôler la nuit ? Le mercredi, je reçois en nocturne. Si vous venez me consulter en état de somnambulisme, je pourrais vous aider beaucoup plus. Mais pour votre tranquillité d'esprit, je peux vous signer un certificat comme quoi vous souffrez véritablement et que vous ne pourrez être tenu pour responsable des actes que vous commettriez la nuit. C'est vrai, j'en suis pas responsable ? D'un point de vue juridique, la nuit vous êtes malade et le jour en parfaite santé. Vous n'aurez qu'à garder constamment sur vous cette attestation, dans votre portefeuille, au cas où. Imaginez que vous soyez arrêté par la milice. Vous pourrez y adjoindre ma carte de visite. Il peut arriver n'importe quoi. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Tard dans la matinée, quand Véronica réussit enfin à se lever, elle trouva sur la table de la cuisine un message laissé par Semyon. Je rentre dans la soirée, Gennady Ilitch m'a appelé d'urgence, je t'embrasse. Rien là d'extraordinaire. En revanche, dans le couloir juste à l'entrée, elle aperçut les bottines de son mari entièrement couvertes de boue. Et dans une bassine posée par terre sous le lavabo de la salle de bain, son pantalon de survêtement tout aussi sale et humide. Semyon rentra chez lui à la nuit tombée. Véronica venait d'entrer dans la salle de bain juste au moment où Semyon s'aspergeait le visage d'eau froide. Tu veux dîner ? Ouais. T'as des problèmes ? Pourquoi tu me demandes ça ? J'ai lavé ton pantalon de survêtement. Et aussi tes bottes. Elles sont sur le radiateur. Merci. Et t'es tombé, quelque part ? Je suis allé à la cave. En sortant ce matin, j'ai vu de la vapeur qui s'échappait du soupirail, donc je pensais qu'une canalisation avait pété. Je suis allé voir, et puis j'ai glissé, voilà. Et ça avait pété ? Non, c'était juste humide. Après le dîner, Véronica s'enfuit au salon, et Semyon resta seul dans la cuisine. Il était content de lui, ou plutôt de son histoire d'exploration matinale de la cave. Mais il ressentit une vague inquiétude, et il comprit tout à coup que son mensonge pouvait parfaitement se révéler être l'absolue vérité. Il décida d'aller vérifier. L'accès à la cave de leur immeuble se trouvait dans le hall d'entrée voisin. Semyon alluma une lampe et pénétra dans le monde éternellement imprégné d'humidité des communications souterraines. Il plaça le faisceau sous les tuyauteries, glissa la main derrière le tuyau et en retira une grosse enveloppe. Il en tira un carnet, l'ouvrit aussitôt et découvrit sur la page de droite une photo de lui et sous la photo, sa propre signature. Il porta alors son regard sur la page de gauche. Le frère Semyon, ayant reçu le baptême en l'église Ambassade de la Lune, le 23 novembre 2006, est admis à connaître tous les mystères de celle-ci, mystères qu'il s'engage à ne divulguer à aucune personne à lui étrangère ou bien proche. S'il venait à trahir son vœu de silence quant aux mystères qui lui sont révélés, il s'exposerait à la mort par l'eau à titre d'excommunication. Semyon plongea une nouvelle fois la main dans l'enveloppe et en tira un chapelet de perles vertes. Il observa, effrayé, avec quelle facilité, quelle familiarité même, l'objet se levait au creux de sa main. Il lâcha le chapelet qui retomba dans l'enveloppe et replaça le tout derrière les tuyaux, là où il l'avait trouvé. Il ressortit de la cave par le même chemin, en suivant ses traces. Volodka ? Salut Semyon. Salut. Pourquoi tu as cette drôle de voix? Tu as pris froid? Non, non. Est-ce que tu pourrais me suivre cette nuit? J'ai un mauvais pressentiment. D'accord. Seulement, essaie de pas te coucher avant minuit. Autrement, je risque d'être en retard. Je ferai gaffe. À tout à l'heure. Ok. Bonne nuit. Borispol, dans la soirée. À l'approche du soir, Dima se rendit à pied au travail de Valia. En chemin, il ne cessa de regarder autour de lui. Dans la salle des machines à sous, Valia était assise derrière son guichet, occupée à fournir de la monnaie à un client. Dans la première rangée d'automates, le bruit de cascade des pièces dégringolant dans le bac métallique emplit la salle. Dima s'orienta vers le bruit et découvrit un gamin de 14 ans en train de bourrer les poches de son blouson des pièces qu'il venait de gagner. Il eut envie de sortir ce gosse en le tirant par l'oreille et de restituer tout l'argent qu'il avait gagné. Aussitôt, l'idée de justice s'imposa à son esprit, et avec elle, le goût du liquide dans sa bouche et les paroles du milicien venu le matin sur le fait que le médicament contenu dans les ampoules aiguisait le sens de l'équité et privait le sujet de tout sentiment de peur. Dima se demanda soudain s'il avait peur. Il regarda ses mains pour voir si elles tremblaient. Mais non, elles ne tremblaient pas. En rentrant chez eux, à la nuit tombante, Dima s'efforçait de vérifier discrètement que personne ne les suivait. Tu sais, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait déménager. Ah bon ? Un bébé, c'est une nouvelle vie, non ? Oui, oui, c'est sûr. On pourrait vendre la maison. Acheter un pavillon un peu plus loin de Kiev. T'en penses quoi ? T'aimes plus Borispol ? On a tout sous la main, ici. Tout est familier. Puis t'as ta sœur. Et qui entretiendrait les tombes de ma famille ? Et les tiens sont enterrés aussi, ici. Dima et Valia trouvèrent le portillon de leur cour grand ouvert. Dima aperçut un carré de papier coincé entre porte et chambranle. D'un pas rapide, il escalada le perron, dégagea discrètement le billet et le glissa dans la poche de son blouson. Une fois couché, Dima resta si longtemps à faire semblant de dormir qu'il manqua en effet de s'assoupir. Quand Valia finit par s'endormir, la bouche contre la nuque de son mari, il se glissa discrètement hors du lit, s'habilla et gagna le couloir de l'entrée. Là, il tira le message de la poche de son blouson. À 10h devant le monument aux soldats inconnus. Si tu ne viens pas cette nuit, on foutra le feu à ta baraque. Dima en eut froid dans le dos. Il se précipita au garage, sortit une ampoule, en brisa l'extrémité et fit couler le contenu dans sa bouche. « Je n'ai pas peur, » murmura-t-il. Et soudain, au fond de son cœur, il se réjouit. De retour chez lui, Dima ferma soigneusement la porte d'entrée, tira tous les verrous, puis alla se recoucher dans la chaleur du corps de sa femme endormie. Kiev, rue Grouchevski, parc Mariinsky. Le matin, sur son lieu de travail, Yegor se remémorait les événements de la veille. Sa conscience à présent le tourmentait, surtout à cause de la vieille femme qui se trouvait à bord de la voiture. Il se rendit à un kiosque et, une fois assis sur un banc non loin d'un groupe de manifestants, il feuilleta l'un après l'autre l'événement et le courrier de Kiev. Pas un mot d'un quelconque accident sur la route de Jytomyr. Yegor se rappela soudain le bocal de lait resté dans sa voiture. Ce bocal, c'était la mère d'Irina qui le lui avait confié le matin en cachette, en lui demandant d'aller le porter au lactarium et de l'y vendre à n'importe quel prix pourvu que le lait ne soit pas perdu. Il tourna le regard vers le centre de nutrition, de l'autre côté de l'avenue, et décida d'entrer. La porte était entr'ouverte. Quatre bidons vides, aux couvercles basculés sur le côté, s'alignaient contre le mur. En face des bidons, une porte blanche. Il passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Il s'y trouvait une grande baignoire emplie de lait. Un lait jaunâtre, gras. Yegor esquissa une grimace. Et soudain, remarqua qu'une sorte de peau s'était formée à la surface du lait. Et que quelque chose flottait sous cette peau. Il se rapprocha pour mieux voir, et un frisson le parcourut. Il plongea les mains dans la baignoire et en tira un corps de femme. Il le regarda du coin de l'œil et reconnut la directrice du lactarium, morte, les cheveux collés, les yeux grands ouverts, du lait ruisselant de son nez, de ses oreilles, de sa bouche. Yegor lâcha le cadavre qui coula au fond de la baignoire. Plusieurs claquements de portes s'entendirent dans le couloir, suivis d'un bruit de cavalcade. Deux hommes en combinaison verte firent irruption dans la pièce, accompagnés d'un troisième vêtu quant à lui d'un costume. De la main, ce dernier désigna la baignoire. Yegor s'était dissimulé dans le coin de la pièce derrière le battant de la porte. Aucun n'avait remarqué sa présence. Quand les deux hommes empoignèrent le cadavre, Yegor s'éclipsa. À la fin de son service, n'étant toujours pas revenu de sa découverte, il donna le bocal du lait d'Irina à une vieille femme qui passait à côté de sa voiture. Région de Kiev, district de Vyshgorod. Au matin, Volodka passa prendre Semyon en voiture. Mais il l'avertit tout de suite qu'il n'était pas en état de tenir plus longtemps le volant. Volodka affichait en effet une mine de souffrant, le visage blême et les yeux bouffis de sommeil. La mission que leur avait confiée ce jour-là Gennady Ilitch ne présentait guère de difficultés. Embarquer 3 bidons de lait et les livrer à un orphelinat. Semyon écouta la chaîne des événements survenus la nuit précédente, décrite en détail par Volodka. Mais à quoi elle ressemble ? Eh bien, imagine une femme d'un certain âge, une 60aine d'années sans doute. Tu lui as baisé la main et elle t'a béni du signe de croix, mais de manière bizarre. Puis après, j'ai eu l'impression qu'elle t'engueulait. Ensuite, ton portable a sonné, tu as causé 2-3 minutes avec ton correspondant et tu as tendu le téléphone à la femme. Elle a parlé à son tour, mais plus longtemps que toi. Après, elle t'a remis une grosse enveloppe. Et à quelle heure ça s'est passé, tout ça ? Vers 2h du mat. Et ensuite ? Je t'ai raccompagné chez toi. Il y avait 2 autres types à distance qui observaient toute la scène. J'ai eu peur que l'un ou l'autre te suive. Alissa n'était pas là ? Non. Je me demande comment tout ça va finir. Par un mariage. Écoute, achète-toi un dictaphone et dissimule le micro sous ton col. Comme ça, tu pourras entendre toi-même de quoi tu parles la nuit. Et avec qui ? Bonne idée. Le soir, Semyon alla chercher des somnifères et avala 2 comprimés avec de l'eau du robinet. Borispol, rue du 9 mai. Quand Valia partit au travail, Dima resta encore au lit une demi-heure puis enfin se leva. De nouveau, il se rappelait le message de la veille. Puis les 2 bagagistes, Boris et Genia, tous les 2 morts, lui revinrent à l'esprit. Il gagna la fenêtre, colla un œil à la fente des rideaux et aperçut dehors, derrière la clôture de sa cour, un homme mal rasé, vêtu d'une veste matelassée crasseuse. Le type se tenait simplement là, immobile, et fumait une cigarette en regardant la rue. Dima tira le rideau et la pénombre dans la pièce se fit plus dense. Il vida un verre de gnôle à l'ortie, puis retourna se coucher, pensant peut-être que dormir était le meilleur remède contre la peur. À travers son sommeil, il entendit un fracas, comme si une armoire avait basculé sur le plancher. Mais au lieu de lui inspirer de l'effroi, ce vacarme inattendu le plongea dans un état de perplexité proche de l'ahurissement. Et c'est bien de l'ahurissement qui se lisait dans ses yeux quand il les ouvrit pour découvrir devant son lit 2 hommes au corps maigre et aux pommettes saillantes, vêtus de la même veste de cuir noir. L'un des hommes braquait sur lui un pistolet. Mais vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Debout et vite. Hein ? Levez-moi ! Allez ! Mais où sont les ampoules ? Quoi ? Quitte l'air vent ! Ton chien a reconnu l'odeur et nous a conduit deux fois à ta maison. C'est toi qui as volé la valise à l'aéroport. Tu ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis. Où sont les ampoules? Jamil est avec vous? Il était avec nous jusqu'au moment où il a crevé. Où sont les ampoules? Ça ne sert à rien. Faut le fumer. Non, qu'il nous rende d'abord les ampoules. Ou tu les as planquées, minable. Vous me faites mal. L'homme leva de nouveau la main pour frapper Dima. Mais à cet instant, le chat mourut, tel un éclair gris, bondit en l'air et planta les crocs dans son poignet, se cramponnant au cuir de la manche de toutes les griffes de ses quatre pattes. Tiens-lui dessus, bordel ! Bute-le ! L'autre homme promenait le canon de son arme, visant le chat, mais hésitant à tirer. Du sang gicla, éclaboussant le visage de l'homme au pistolet, et Mourik retomba bruyamment sur le plancher. Libéré de son agresseur, l'homme porta la main à sa poitrine et s'affaissa à côté de la bête. Il était mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, s'il vous plaît, me tuez pas ! Me tuez pas ! L'homme se tourna vers Dima, colla le canon de l'arme contre son front et pressa la détente. Dima n'eut même pas le temps d'avoir peur. Au lieu d'une détonation, on n'entendit qu'un bref claquement métallique. L'homme pressa la détente une seconde fois. Nouveau raté. D'un geste nerveux, il glissa l'arme dans la poche de sa veste et sortit rapidement de la chambre. Dima demeura assis, les yeux rivés sur le cadavre de l'homme et sur le corps ensanglanté du chat. C'est pas vrai. Le sang qui s'échappait dessous le cadavre étendu par terre se rapprochait peu à peu des pieds nus de Dima. Quand la distance entre la flaque rouge sombre et ses orteils se trouva réduite à 1 centimètre, il se leva et courut dans la salle de bain chercher une serviette éponge. Dans la chambre, tout en s'appliquant à ne pas marcher dans le sang, Dima enveloppa le chat dans le tissu, le prit dans ses bras et l'emporta au garage. Il se rappela comment Mourik, en ce même endroit, s'était rétabli alors qu'il était prêt à passer l'arme à gauche après sa bagarre avec le chien du voisin. Il piocha une ampoule sur l'étagère, en brisa l'extrémité, puis la vida dans la gueule de l'animal jusqu'à la dernière goutte. C'était « Laitier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Claverie, les narrateurs. Et Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Olivier Cruveillé, Christophe Audin, Clara Noël, Aymeric Le Serre, Marie Daude, Swann de Marsan, Florent Houlier, Pierre Carbonnier, Sylvain Gauthier et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Musique originale, Damien Salençon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Emmanuel Arming. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation.